10 40, activation orale, dialogue entre Jean-Denis et Georges. Vous allez entendre une conversation entre Jean-Denis et Georges. Écoutez attentivement, vous allez apprendre les réponses de Georges. Salut tout le monde! Alors qu'est-ce que vous faites? Il ne pleut plus? Non! Ce n'est pas possible! Si, si, je t'assure! Ça se lève! Alors, vous venez sur la voile? Non, mon vieux, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la sieste. Répétez. Salut tout le monde! Alors qu'est-ce que vous faites? Il ne pleut plus? Non! Ce n'est pas possible! Si, si, je t'assure! Ça se lève! Alors, vous venez faire de la voile? Non, mon vieux, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la sieste. Répondez. Salut tout le monde! Alors, qu'est-ce que vous faites? Non? Si, si, je t'assure. Ça se lève. Alors, vous venez faire de la voile? Copyright 1994, Yale University.